Analyse du 5 juillet 2022. Opération Mousquetaire de mars 2021 par Thierry Pirlot. Petit rewind sur l'opération Mousquetaire de mars 2021 et la relation avec le serment prêté par le général Flynn ainsi que le slogan Where we go one, we go all. Là où l'un de nous va, nous allons tous. Ou bien un pour tous et tous pour un. J'attire votre attention sur le fait suivant. Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés en descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. C'est pour moi la plus grosse opération de nettoyage européenne de l'Alliance sous couvert de manœuvres de l'OTAN sur la frontière Est. Les Ricains ne débarquent jamais de matos et d'hommes par la France, mais le font via Anvers, et ce depuis 1945. Seuls les militaires le savent. De Gaulle ne l'a jamais permis, et ses successeurs non plus. Le fait qu'une opération de débarquement, ayant pour nom de code « mousquetaire », se fasse précisément à Dunkerque, lieu où, en 1941, les Anglais ont été rejetés à la mer par les Allemands, très bon film sur Netflix au passage, me conforte dans l'idée qu'une partie des moyens débarqués en France en mars 2021 devait servir au nettoyage et aux arrestations partout en Europe. Le reste des moyens ayant rejoint les manœuvres de l'OTAN en Pologne a été planifié pour faire illusion à un pseudo-conflit en Ukraine. Il y a plusieurs drops de Q qui font allusion à cette opération mousquetaire et notamment celui qui nous dit de surveiller les eaux. Ils ont notamment débarqué beaucoup d'hélicoptères de transport de type Chinook à deux rotors. Est-ce pour des troupes et des prisonniers? On les a souvent vus sillonner notre ciel belge en 2021. 3 mois après ce débarquement a eu lieu le 14 juillet l'overlapping des deux Macron, avec le fameux discours au palais de l'éphémère, devant un drapeau français qui a retrouvé les vraies couleurs de la Révolution. C'est pour moi le coup de départ de la prise de contrôle de la France par l'Alliance. Le Macron original étant décédé depuis décembre 2018 d'une septicémie, il est probable que le sosie actuel choisi par l'Alliance et remplacer le précédent des mondialistes depuis juillet 21. C'est aussi la preuve que vivre l'info et la comprendre au jour le jour lorsqu'elle se produit est bien plus facile à interpréter que de la découvrir plusieurs mois, voire plusieurs années après. D'autant que quand je la raconte à rebours, peu de gens croient dans ces informations, un peu comme pour le bateau Evergreen, coincé dans le canal de Suez, lol. Eh oui, c'est gros, mais plus c'est gros, plus ça passe. Sherpa One.